Une petite chanson qui s'appelle « Impôt sur la fortune, les bénéficiaires du bouclier fiscal ». Dans un petit canton, peuplé de vignerons, le vin était très bon, un succès d'exportation. Pour stimuler le travail, le roi fit une trouvaille. Il faut supprimer l'impôt, les vignerons paient trop. À la place, ils verseront un pichet, un litron, un peu de vin, un pot, dans un très très grand tonneau. La revente au prix fort renflouera le trésor et les finances publiques seront plus dynamiques. À la Saint-Nicolas, encore lui, tout le monde était là et chacun de versa son petit pot de vin sans faire un plat. Quand le tonneau fut plein, quand on toucha au but, le roi goûta le vin, mélange des meilleurs crus. Mais au premier abord, un liquide incolore, il le huma bien fort et le trouva inodore. Il goûta le breuvage et tempêta de rage, un brouet sans saveur pour comble de malheur. Il fut pris de panique, appela les scientifiques. Après analyse du tonneau, nom de Dieu, c'est de l'eau. Convoqua ses ministres, leur dit d'un air sinistre: vous êtes tous vignerons, je veux l'explication. Désolé, majesté, pleurnicha le premier. J'ai les plus beaux cépages, j'ai pensé au trucage. Un seul verre d'eau dans le tas, personne ne le saura. Mais tout le monde, ma foi, je crois, a fait comme moi. Mais tout le monde, ma foi, je crois, a fait comme toi. Mais tout le monde s'en fout, tout le monde a fait comme nous. Mais tout le monde s'en fout, tout le monde a fait comme vous. Merci.